Bienvenue à toutes et à tous dans ce cinquième épisode de JT Sport, le podcast étudiant qui revient sur l'actualité sportive de la semaine. Au sommaire aujourd'hui de la neige, de la glace et une grande nouvelle avec Thomas, la France accueillera les Jeux Olympiques d'hiver en 2030. Dans notre régional, Timothée reviendra sur la performance du Phoenix qui accueillait ce week-end le PSG en Star League. Arthur effectuera ensuite un rapide tour d'horizon avec 5 actualités marquantes des derniers jours. Cette semaine, je donnerai carte blanche à un autre Arthur qui tirera lui un bilan du tennis français en 2023. Enfin, Marie et Agnès débattront autour de l'équipe de France féminine de handball et de cette question, les Bleus sont-elles armées pour remporter la Coupe du Monde ? Pour conclure cette émission, vous en avez désormais l'habitude, vous aurez droit à un petit quiz. J'espère que vous avez bien révisé. C'est un génie ! Le Toulouse Football Club remporte la Coupe de France ! La victoire de Pierre Garcia ! Thomas, sauf cataclysme, la France accueillera les JO d'hiver en 2030. On prend les mêmes et on recommence. Pour les Jeux d'été, c'était Paris en 2024 et Los Angeles en 2028. Ça sera les Alpes françaises en 2030 et Salt Lake City aux États-Unis en 2034. Rendez-vous compte, la France peut déjà se préparer à recevoir une autre compétition internationale. Opposée à la Suisse et à la Suède, deux concurrents sérieux, c'est le dossier tricolore qui a reçu les faveurs du comité d'organisation. Alors même si l'annonce officielle n'arrivera qu'en juillet, le comité international olympique a confirmé qu'il ne restait plus que le dossier alpin en lice, alors que bon nombre d'observateurs en imaginaient encore deux à ce stade des négociations. L'engouement des Français, l'expérience d'organisation de compétitions hivernales et Paris 2024 bien sûr, vu comme un gage de savoir-faire supplémentaire, ont convaincu. Est-ce qu'on a déjà une idée des stations qui recevront les différentes épreuves ? Il y en a plusieurs, vous vous en doutez bien, mais elles sont toutes assez proches les unes des autres. C'était un argument de poids pour le comité, hein, puisque des jeux dits écologiques, sur le même modèle que ceux se déroulant en Île-de-France cet été, prendront place près de Chambéry et de Grenoble. Courchevel, Méribel ainsi que la ville de Nice ont donc un peu plus de 5 années pour se préparer à accueillir la planète ski. Certains changements peuvent encore avoir lieu, puisque le slalom alpin, initialement prévu à Val d'Isère, se passera désormais à Courchevel-Méribel. Pour le ski cross et le snowboard, là aussi, la station Isola 2000 n'organisera pas les épreuves sur ses terres, puisque dans une logique de réduction du nombre de stations, elle s'en est vue retirer l'organisation. La région Auvergne-Rhône-Alpes partagera donc la compétition avec sa voisine Provence-Alpes-Côte d'Azur. A noter que des choix sont encore à faire, puisque le site du snow paralympique ou encore la structure de l'anneau de vitesse reste à définir. Mais alors Thomas, qui pourra incarner ce projet sportif et quels athlètes seront dans la force de l'âge à horizon 2030 ? Ah, c'est toute la question. Il y a évidemment les grands vainqueurs comme Martin Fourcade ou Vincent Jay, tous deux anciens champions olympiques, ou encore Marie Bochet, octuple championne paralympique. Pour les médailles, 2030, c'est encore loin. Et même si beaucoup de sportifs ont le temps d'émerger, de confirmer, voici ceux qui pourraient être de la partie. On pense aux récents médaillés d'or, bien sûr. Mais ils devront lutter contre le poids des années. Quentin Fillon-Maillet, Julia Simon en biathlon, en ski, Clément Noël ou Mathieu Baillet apparaissent comme des évidences, même si tous les quatre auront atteint la trentaine en 2030. Des plus jeunes entreront dans l'âge d'or, comme le skieur Alban Elesi Canaferina, qui n'aura alors que 26 ans. On a aussi sa consoeur, Marie Lamure, seulement âgée de 2 ans de plus que lui, et le patineur artistique Adam Siao Imfa, qui aura 30 ans exactement au moment des Jeux d'hiver français. Les Jeux de Paris n'ont même pas encore eu lieu, qu'on a déjà hâte des Alpes en 2030. On passe sans plus attendre à l'actualité régionale de la semaine. Timothée, tu as enfin regardé autre chose que du foot et ce week-end c'était du handball avec Phoenix PSG. Oui Bastien, le handball est un sport qui se joue à 7 contre 7 et à la fin, c'est le PSG qui gagne. C'est ce que tout le monde doit se dire ce lundi après la nouvelle victoire du club de la capitale au Palais des Sports de Toulouse. Les Toulousains, quatrième de Liqui Moly Star League, s'étaient donné l'objectif de réitérer l'exploit de la saison précédente lorsqu'ils avaient fait tomber le mastodonte parisien 35-27. Mais le PSG, battu en milieu de semaine à Kiel, ne comptait pas se laisser compter l'histoire si facilement. Et pourtant, c'est bien le Phoenix qui démarre fort. Ce sont eux qui marquent en premier après 30 secondes de jeu. Les Toulousains font mieux que résister dans les 10 premières minutes grâce à un Ayoub Abdi rayonnant. L'arrière algérien est partout sur le terrain et transcende ses coéquipiers par sa réussite insolente au tir. Auteur de 9 buts et 2 passes, il est à l'origine d'un tiers des buts de son équipe. En face, le gardien Yannick Green manque des arrêts faciles, remet systématiquement Toulouse dans le match et conclut sa partie à 1 arrêt sur 12. Des statistiques qui contrastent avec la performance de Jeff Lettens de l'autre côté du terrain. Le portier toulousain a été éblouissant. Face aux vagues parisiennes, Lettens a multiplié les arrêts. Repoussant les tentatives en coin, puis dans l'axe, puis de loin, le portier belge a écœuré les joueurs parisiens et termine avec 7 parades, dont 5 en un quart d'heure. En face de cette véritable muraille, Paris se frustre, perd beaucoup de ballons, mais le Phénix n'en profite pas. Menés d'un but, les Toulousains manquent 6 occasions d'égaliser et reviennent finalement dans la confusion à la 17ème minute. Le Phénix a même l'occasion de prendre l'avantage à quelques minutes de la pause, mais Feuchtmann ne trouve pas ses coéquipiers à 3 contre 1. Toujours aussi imprécis, le Phénix prend tout de même les devants à la 28ème sur un jet de 7 mètres, mais concède l'égalisation dans la foulée d'un tir surpuissant de l'inévitable Nicolas Karabatic. 15 partout à la mi-temps. Et à l'instar de la première, la seconde période démarre sur les chapeaux de roue pour le Phénix. Toulouse mène en ce début de seconde période, souvent d'un but, parfois de deux. Le Phénix montre ses prétentions et affiche enfin l'efficacité qui avait tellement manqué en première. Et les Occitans sont bien aidés par les faits de jeu. À la 36ème minute, Nicolas Karabatic, encore lui, qui avait été acclamé par le Palais des Sports avant le match, est expulsé. Le carton rouge est sévère. Qu'importe, c'est un tournant pour le Phénix. Les Toulousains prennent 3 buts d'avance pour la première fois du match à la 39ème par l'inévitable Ayoub Abdi. Timothée, avec une telle avance, Toulouse semble se diriger vers un nouvel exploit. Et oui Bastien, mais Paris reste Paris et compte bien rester invaincu. En ce mois de Noël, les Parisiens reprennent les rênes et ne font pas de cadeaux. Le PSG revient en 3 minutes, Jeff Letten se montre beaucoup moins en vue, et en face, le Phénix se heurte à un impressionnant Andreas Palicka. Le Suédois, qui avait remplacé Yannick Green à la mi-temps, bloque 7 tirs en 30 minutes et se montre intraitable sur les jets de 7 mètres. Et le PSG se détache en toute fin de match. Palicka dégoûte le Phénix grâce à un arrêt high kick venu d'ailleurs, et Paris prend 3 buts d'avance à 4 minutes du terme. Le PSG l'emporte finalement 34-31 au Palais des Sports, au terme d'un match incroyablement disputé. Toujours invaincu en tête de Liquid Moly Star League, les Parisiens reprennent 3 points d'avance sur Nantes et Montpellier, Toulouse reste 4ème. Et le Phénix pourra reprendre sa marche en avant dès ce samedi face à Nîmes. C'est l'heure de notre actu en bref. Arthur, on commence ce tour d'horizon par une très bonne nouvelle pour les fans de tennis et de terre battue. Eh oui Bastien, Rafael Nadal a annoncé sur ses réseaux sociaux qu'il fera son grand retour après un an d'absence à l'ATP 250 de Brisbane en janvier 2024. El Matador veut être compétitif pour l'Open d'Australie qui se tiendra du 14 au 28 janvier prochain. Pour rappel, le Mallorquin s'était blessé au psoas durant la dernière édition de ce même Australian Open qu'il avait obligé à se faire opérer. En revanche, pour notre espoir français Arthur Fils, la saison se termine sur une mauvaise note. Le francilien de 19 ans s'est incliné en finale du Masters Next Gen contre le serbe Ahmad Medjedovic. Malgré un dernier match décevant pour cette saison 2023, Arthur Fils peut se féliciter de son bon au classement ATP. Il avait commencé l'année à la 250e place et pointe aujourd'hui à la 36e place mondiale. Et Arthur Fils n'est pas le seul français à avoir perdu en finale ce week-end. Malheureusement oui, l'équipe de France de football s'est inclinée face à l'Allemagne 4-3 au tir au but en finale de la Coupe du Monde des moins de 17 ans. Les deux équipes sont allées au bout du suspense mais c'est finalement Almuguera Kabar, arrière-gauche de l'équipe U19 du Borussia Dortmund qui a délivré les siens en marquant le pénalty de la victoire. Plus triste nouvelle encore, un événement dramatique est venu entacher la rencontre de Ligue 1 entre le FC Nantes et l'OGC Nice samedi. En effet, un membre de la Brigade Loire, groupe ultra-nantais, a été agressé au couteau avant le match de championnat opposant les Canaries aux Aiglons. Il a malheureusement succombé à ses blessures. On termine avec une nouvelle un peu plus réjouissante et un mot de sport d'hiver. Nos Françaises ont fait le plein de victoires en Coupe du Monde ce week-end. Joséphine Pagny a remporté ce dimanche sa première victoire en Coupe du Monde en saut à ski. La jeune femme de 21 ans est la première Française depuis 2013 à réaliser une telle performance. En biathlon, Lou Jean Monod a réalisé le doublé en s'imposant au sprint et à la poursuite d'Östersund en Suède avec notamment un sans faute au tir. C'est le deuxième succès en Coupe du Monde pour la native du Jura. Et enfin, Chloé Trespech commence la saison de snowboard cross de la meilleure des manières en s'imposant sur l'étape des Deux Alpes. Deuxième du classement général la saison dernière, la vice-championne olympique se veut ambitieuse et vise le globe de cristal. Les Jeux d'hiver en France, ce n'est pas pour demain, mais tous ces résultats sont déjà de bon augure. Place désormais à la carte blanche. La chatte qui va, la chatte. Et cette semaine, je donne la parole à un autre Arthur qui va nous faire un état des lieux du tennis français. Alors qu'une saison riche en émotions vient de s'achever, quelles conclusions tire-t-on côté tricolore ? Et on va commencer par l'immense satisfaction, l'arrivée au plus haut niveau d'Arthur Fils. Il est parvenu à se qualifier pour le Masters Next Gen qui regroupe les meilleurs joueurs de moins de 22 ans en tant que tête de série numéro 1. Il reste bien sûr derrière les Alcaraz, Rune et compagnie, mais pour un joueur qui a commencé l'année au-delà de la 250e place, on est obligé de parler de franche réussite. Finir l'année dans le top 40 avec une finale à Anvers et un titre à lui en poche, très peu de gens auraient parié sur ça quand il écumait encore le circuit Challenger en début d'année. S'il parvient à s'appuyer sur la confiance qu'il a construite cette année et qu'il continue de progresser, pas de doute, l'avenir s'annonce radieux pour le Benjamin du tennis français. avec les bases et le caractère qu'il nous a montré, c'est sûr qu'il a le potentiel pour titiller les meilleurs joueurs. Attention toutefois à ne pas se mettre trop de pression trop vite, car ce qui est bien pour Arthur, c'est que le temps joue pour lui. À 19 ans, il est normal qu'il reste perfectible et sa défaite contre Medjedovic a montré une certaine fragilité mentale chez lui. Vraiment rien d'alarmant et pas de quoi remettre en question sa bonne saison. Un qui n'a plus beaucoup de temps, c'est Gaël Monfils qui, à 37 ans passés, s'approche de la fin de sa carrière. Oui, mais quelle saison ! Réussir à produire ce niveau de tennis et obtenir de tels résultats après la galère des dernières années, ça semblait presque inespéré pour Gaël. La Monf veut s'offrir un dernier frisson et avec lui, le plaisir passe souvent par le show. Toujours capable d'envoyer des coups droits supersoniques ou des smashs acrobatiques, il nous a surtout offert l'un des plus beaux matchs de l'année au premier tour de Roland-Garros. Il est parvenu à se défaire de Sébastien Baez, 42e mondial, alors qu'il était 394e au classement ATP et qu'il n'avait enregistré qu'une seule victoire en 2023. Un thriller remporté au bout de la nuit et des crampes après 3h46 de combat. Un match que l'on n'est pas prêt d'oublier pour son scénario qui a électrisé le public parisien avec un Monfils qui a sauvé des balles de 5-0 dans le 5e set. Si on retiendra donc la saison de Gaël pour l'émotion qu'il continue de nous procurer, sur le plan comptable, c'était pas mal non plus, avec une tournée américaine très réussie et ponctuée d'un quart à Toronto et surtout un nouveau titre à Stockholm. Après ces deux fortes personnalités du circuit, parlons un peu de joueurs moins médiatisés, mais qui ont eux aussi enregistré de très bons résultats cette année. Et oui, puisqu'on n'a toujours pas évoqué nos deux joueurs les mieux classés. Respectivement 20e et 22e mondiaux, Hugo Humbert et Adrien Manarino nous ont sorti des saisons énormes. Un titre à Metz et son meilleur classement en carrière pour Hugo, et trois titres, oui oui, trois titres à Sofia, Astana et Newport, assortis d'une finale à Majorque pour Adrien. 43 victoires et son meilleur classement aussi, pas de doute, à 35 ans, le divin chauve nous régale plus que jamais. Deux gauchers au tennis atypique et qui ne brillent pas vraiment sur terre battue, ça explique peut-être leur déficit de notoriété, mais ça devrait nous questionner sur le pessimisme ambiant qui règne autour du tennis français. D'autant que nos bleus performent aussi sur le circuit secondaire. 27 titres en challenger pour les Français, record historique battu. Alors, on n'en parle peut-être pas souvent, mais c'est aussi ça le circuit professionnel. On a des joueurs comme Benoît Paire, Constant Lestienne ou Terence Atman qui sont des références à ce niveau. Et d'autres comme les Fils, Van Haché ou même Humbert et Gasquet qui l'utilisent plus comme tremplin pour progresser ou regagner en confiance. Ce qui est sûr, c'est que cette année, nos Français ont été couronnés de succès à tous les niveaux. Une bien belle saison qu'il fallait souligner, mais je crois que tu voulais quand même nuancer un peu ce bilan. Oui, car chez les femmes, rien ne va plus. 20e, 43e, 61e, 94 et 97e, voilà le classement WTA de nos 5 meilleures françaises. Mais c'est surtout la situation de Caroline Garcia qui rend le bilan pas joli joli. Une année commencée à la 4e place mondiale où elle n'aura pas réussi à atteindre une seule fois la seconde semaine d'un grand chelem. Pour celle qu'on avait laissée sur une victoire au Master en 2022, ça fait tâche. 26 défaites et aucun titre, mais c'est surtout la manière qui fait peur. On a l'impression d'une joueuse en manque total de confiance et de repères, comme en détresse sur le court. On lui souhaite plus de réussite l'année prochaine, mais la trajectoire inquiète sérieusement. Derrière, on manque aussi de perspective. La fraîchement naturalisée Varvara Gracheva, Clara Burel et Diane Paris sont certes encore jeunes, mais on tarde à apercevoir un potentiel qui leur permettrait de jouer les premiers rôles. Bref, le tennis français doit se relancer, mais un sérieux doute persiste pour l'instant. À moins peut-être d'un déclic en 2024. Une chose est sûre, on suivra nos Frenchies de très près la saison prochaine. Tout de suite, j'accueille Marie et Agnès pour notre débat hebdomadaire. Mesdames, on part sans plus attendre en Scandinavie où se déroule en ce moment la Coupe du Monde de handball féminin. Une question se pose, l'équipe de France qualifiée pour le tour principal est-elle armée pour aller décrocher le titre mondial ? Comme tu l'as dit Bastien, les filles sont qualifiées pour le tour principal, après leur victoire face à l'Islande 31-22. Elles sont invaincues, mais elles n'ont pas rendu de bonnes copies. Elles ont quand même gagné facilement samedi soir, en faisant une très grande première période. Oui, c'est sûr, mais en regardant de plus près, l'attaque des Bleus n'y est pas. Pour le match d'ouverture, les filles ont perdu 17 ballons, sur des passes mal assurées. Toute l'équipe est concernée, mais c'est surtout les demi-centres, Méline Nocandi et Grace Zahadi, revenues de blessures, qui sous-performent. L'encadrement français est conscient de ce déficit sur les passes, c'est un mal récurrent depuis 20 ans. D'autant plus que dans la construction du jeu, l'équipe de France est bien au-dessus de toutes les équipes. Certes, dans la rigueur technique, elle est moins performante que les Scandinaves par exemple, mais au niveau de la création de jeu, il n'y a pas photo. Oui, je suis d'accord avec toi, mais pour gagner des matchs plus difficiles, il va falloir que les coéquipières d'Estelle Nzeminko concrétisent leur temps fort. Face au but, la France peine à marquer. Contre l'Angola, les filles ont raté 14 tirs à 6 mètres, et contre l'Islande, dans les jets de 7 mètres, il n'y a eu qu'un penalty sur 5 de réussi. C'est sûr, les filles manquent cruellement d'efficacité, mais ça va venir avec les matchs. Elles sont appliquées et menées déjà 7-0 au bout de 8 minutes. Olivier Crumbles a pu faire tourner son effectif. Il fait jouer des jeunes comme Sarah Bouktit, la pivot de 21 ans. d'autant plus qu'on peut leur concéder un petit relâchement en seconde période tant le match a été facile. Donc si je comprends bien Agnès, les Bleus sont en train de monter en puissance. Les filles progressent, elles sont en train de trouver leur rythme. Elles sont prêtes pour le match de ce soir face à la Slovénie pour aller chercher la première place et prendre des points pour le tour principal. Elles peuvent compter sur ce qui marche, c'est-à-dire les contre-attaques. Elles ont gagné leur titre avec une défense solide et des contre-attaques rondement menées. Contre l'Islande, elles ont profité de 10 pertes de balles adverses pour marquer des buts. Mais justement, la défense n'est pas à son niveau depuis le début. Elle manque d'agressivité. Prise de vitesse par les attaques angolaises, la défense s'est montrée trop perméable. Elle rectifie le tir contre l'Islande, mais avec le relâchement, elles ne sont pas dedans et laissent revenir leurs adversaires. Il faudra être plus constant en défense pour espérer aller chercher quelque chose. C'est qu'Olivier Crumbles a tenté des systèmes en défense. Contre l'Angola, il a essayé une défense 1-5 avec une seule joueuse avancée, ce qui laissait trop d'espace. Il est vite revenu à ce qui marche, une défense à 6, à plat, et les joueuses ensuite ont montré plus d'agressivité. C'est pareil pour les gardiennes. Laura Glosser a réussi un bien meilleur match samedi avec 41% d'arrêt. Mais alors, une question se pose. Au prochain tour, les Françaises seront-elles capables de faire la différence face à la Norvège, un adversaire d'un autre calibre ? Si l'équipe de France ne rectifie pas le tir en défense et face au but, cela va être compliqué. Notamment contre la Norvège, championne d'Europe et du monde en titre, qui ont explosé leurs adversaires, 43-11 face au Groenland et 45-28 face à l'Autriche. D'autant plus que Laura Flip s'est blessée, seule arrière droite gauchère qui a porté des solutions en attaque placée, qui permet un déploiement à gauche. C'est un véritable coup dur pour les filles. Elle est remplacée par Océane Sersian-Higolin, c'est sûr qu'elle n'est pas la titulaire indiscutable, mais elle est quand même championne olympique. Parce que oui, les filles sont championnes olympiques en titre. Elles n'ont rien à envier aux Norvégiennes. Les deux équipes vont se rencontrer dans le tour principal. C'est un vrai test avant les quarts de finale. Avec des joueuses qui montent en puissance et un système qui marche, on espère les retrouver en finale. Marie, Agnès, vos arguments s'entendent. Ce n'est pas moi, mais les abonnés de JT Sport qui éliront la plus convaincante de vous deux sur Instagram. Vous l'attendiez avec impatience. Place au quiz. Ah oui, la bonne courage. Qui est meilleur ? Qui est meilleur ? Et comme chaque semaine, deux équipes vont s'affronter. À ma droite, Arthur et Marie. À ma gauche, Agnès, Timothée. Est-ce que vous êtes prêts pour ces 5 questions ? Oui. Ouais, absolument. Carrément. Alors, sans plus attendre, on est parti. Première question. Qui est en tête du top 14 à l'issue de la 9e journée ? Le Racing. Oui, c'est une bonne réponse, Marie. Ce sont effectivement les Franciliens qui sont en tête du championnat. Deuxième question désormais, qui est ce célèbre cycliste français qui a terminé deuxième de la Saint-Élion en duo ce week-end ? David Gaudu. Oui, Timothée, c'est une bonne réponse, ça fait un partout, l'égalisation pour Timothée et Agnès. Troisième question, quelle est la nationalité de cet athlète qui a remporté le marathon de Valence dimanche ? Éthiopien. Oui, Arthur, éthiopien. Effectivement, ça fait 2-1 pour Marie et Arthur, mais rien n'est joué. Quatrième question, elle peut être décisive. Qui est le premier français au classement ATP à l'issue de cette saison ? Hugo Humbert. Oui, c'est un non-spécialiste de tennis qui grille la priorité à Arthur de partout. Bien joué Timothée et Agnès. Dernière et ultime question, elle est décisive évidemment. Quel sera le nouveau sponsor de l'équipe AG2R en 2024 ? Je dois trancher, c'est Arthur et Marie qui remportent ce quiz. Dommage Timothée et Agnès, vous n'avez pas démérité. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté EJT Sport. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de votre podcast préféré. D'ici là, vous pouvez nous suivre et retrouver tous nos contenus sur nos pages Facebook, X et Instagram. À très vite et vive le sport. Collectif.